Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler avec notre ami Bruno Boudreau. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Bruno, d'abord, ça fait longtemps qu'on ne s'y est pas parlé. Je veux te parler du circuit de Fernando Tatis. Est-ce que tu l'as vu? Oui. Écoute, c'est tout qu'une claque. Ouais. Comme tu me disais là, avant qu'on entende l'autre, le cinquième plus long circuit de l'histoire du Dodger Stadium. Ouais. J'avais pas vu la statistique, j'avais vu le circuit là, qui quittait le stade, mais j'avais pas vu la statistique. C'est franchement impressionnant. OK. Donc, mais tu étais surpris aussi de voir la puissance qu'il possède encore. Hein? Écoute, avec sa blessure en début de saison là, à l'épaule, on pensait qu'il allait manquer presque toute la saison. Ensuite, il a manqué quelques semaines. Il est revenu, il est reparti. Il a frappé tout le long de l'année. Ça m'a surpris. Il a changé son élan. Auparavant, Tatis, il frappait puis il laissait aller son bras en pleine extension. Maintenant, on voit qu'il retient toujours ses deux bras à la fin de l'élan pour être sûr que son épaule reste bien en place. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est de le voir encore jouer. Hein. Les Padres sont éliminés depuis plusieurs jours. Je pense qu'il veut continuer à jouer, mais en même temps, l'équipe va avoir une décision à prendre. Est-ce qu'on va l'opérer? À quel moment? Est-ce que ça va le faire manquer la prochaine saison ou une portion de la prochaine saison, du moins? Donc, ça va être intéressant à suivre, mais de le voir encore comme ça, tout qu'un athlète, c'était vraiment un long circuit. Regarde, c'est toute une claque. Hey, je veux te parler au moment où on enregistre le podcast, c'est 14h12, c'est 6-1 pour les Rays de Tampa Bay. C'est vraiment, vraiment, les Yankees ont besoin que d'une victoire pour s'assurer une place. Finalement, je croirais qu'ils vont se bannir au Yankees Stadium à part de ça. Ben écoute, les Yankees, ça a été ça. Hein. Ils ont connu une bonne séquence il y a deux semaines en allant balayer, entre autres, les Red Sox à Boston. Et ils ont bien joué cette semaine à Toronto pour gagner deux des trois matchs. En fait, ils auraient pu facilement même gagner des trois matchs face aux Jays. Ouais. Et c'est vraiment le match au centre que Gerrit Cole a eu connu une sortie difficile. Si Cole avait connu un bon départ, ça aurait été un balayage, puis on ne parlerait pas de ça aujourd'hui. Ceci étant dit, ben, comme tu as mentionné, puis il y a encore une possibilité, si les Yankees échappent les deux prochains matchs et que Toronto, Seattle gagne et que Boston en échappe un. Il y a une possibilité que les quatre équipes finissent avec la même fiche. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, dans le fond, si jamais les quatre équipes ont la même fiche, ça ne s'est jamais vu, hein, ce scénario-là, malgré qu'il y a plein de saisons qu'on en a parlé, mais ça ne s'est jamais produit. Dans le fond, c'est la fiche des équipes entre elles. Donc, on regarderait qu'est-ce que les Blue Jays, exemple, ont fait contre les Red Sox, les Yankees et les Mariners. On prendrait un pourcentage de victoire et on placerait le meilleur pourcentage contre le plus faible et les deux au milieu, comme 1 et 4, 2 et 3. Donc, il y aurait des matchs lundi entre ces équipes-là. Ensuite, les deux gagnants s'affronteraient mardi pour déterminer le meilleur deuxième. Ça, c'est le scénario. S'il y a trois équipes à égalité, à ce moment-là, on prend la même chose, des pourcentages entre les trois équipes et les deux équipes les moins bien classées s'affrontent lundi pendant que mardi, l'équipe sera pour affronter le mieux classé. Donc, ça, c'est les scénarios les plus probables. Moi, à mon sens, ce qui risque d'arriver, c'est que les Yankees vont gagner au moins un des deux matchs. C'est sûr que là, ils perdent 6-1. S'ils ne remontent pas, il faudrait qu'ils gagnent demain. Mais s'ils gagnent demain, il y aurait probablement la meilleure fiche pour... il serait certain de se qualifier dans ces scénarios-là, du moins au moins éliminer le scénario à quatre équipes. Et sinon, ben il y a le scénario aussi où les Red Sox, eux, gagneraient leurs deux derniers matchs. Avec la défaite des Yankees aujourd'hui, ben à ce moment-là, les Red Sox auraient l'avantage du terrain pour jouer entre les matchs entre les Red Sox et les Yankees. Alors, il y a beaucoup de scénarios possibles. Ce qu'on retient, nous autres, pour les Jays, c'est que ça prend deux victoires, ça, c'est certain en partant. Et deuxièmement, ça va prendre une défaite des Red Sox dans les deux derniers matchs. Si les Red Sox gagnent leurs deux derniers matchs, il faudrait espérer deux défaites des Yankees. Et là, ça, c'est... Encore une fois, quelque chose qui apparaît. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu. T'as les Mariners aussi dans le coin. Les Mariners qui ont connu un mois de septembre incroyable. Leurs 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Écoute, puis quand tu regardes la fiche des équipes, puis tu sais, les Mariners, sans rien leur enlever, ils ont connu, toute une deuxième moitié de saison. Plusieurs jeunes qui poussent dans cette organisation-là. Abraham Toro connaît du succès depuis qu'il a été échangé. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Il a marqué un point hier. D'ailleurs, le seul point des Mariners dans leur défaite de 2 à 1 face aux Angels. Puis, je regardais un bout du match, un joueur comme Jared Kelenic. Écoute, il ne frappe peut-être que pour 180. Quand tu regardes ça, tu vas te dire, oh mon Dieu, c'est pas une grosse moyenne. Mais il a commencé avec, je pense qu'il était 0 ou 1 en 41 pour commencer sa carrière quelque part au début juin. On l'a renvoyé dans les mineurs, on l'a ramené plus tard. Et depuis qu'il est revenu, il va beaucoup mieux. Donc, il y a plusieurs bons jeunes qui se sont placés. Les lanceurs sont dominants. On a fait quelques transactions à la date limite pour aller chercher de la relève. Donc, c'est une équipe qui arrive vraiment par la porte d'en arrière. Je ne pense pas qu'on pense qu'à une équipe qui serait bâtie pour aller loin dans les séries. Mais reste que c'est une belle histoire. C'était une sale comble aussi hier à Seattle. Ah, regarde, la foule est incroyable. Je l'ai écouté le match, moi, une grande partie à la radio parce que je travaillais. Mais quand je suis arrivé, c'était à la 9e manche. La foule était survoltée. Hein. C'est une foule incroyable, la foule des Mariners. Ouais, vraiment, j'ai écouté même si c'était tard, j'ai écouté une bonne partie du match aussi. Puis c'était vraiment, vraiment une bonne ambiance. Ils se sont butés un excellent gaucher là, pour les Angels, qui connaît une bonne saison, là, qui est venu. C'est en septième manche que c'est joué le match, là, avec un coureur au troisième, coureur au premier, aucun retrait. Le releveur des Angels, il a passé trois fois dans la mi-temps. C'est là que ça s'est joué le match. Est-ce que tu l'as vu cette partie-là? Oui, et puis dans le fond, il y a eu cette chance-là, puis il y a eu tôt dans le match aussi quand les Mariners ont pris les devants 1-0, justement sur le double de Kelenic qui a fait rentrer Toro. Un autre coup sûr, puis tu ouvres une petite manche de 2-3 points. C'est peut-être comme ça qu'il aurait pu prendre l'ascendant dans ce match-là. Fait que ça va être intéressant à surveiller. Je pense que les Angels, c'est une bonne équipe. C'est peut-être l'équipe la plus forte là, qu'affronte Boston. Boston avec les Nationals, Toronto avec les Orioles, évidemment. C'est plus facile. Puis pour les Mariners, c'est peut-être un petit peu plus difficile avec les Angels. Puis pour les Yankees, ils en ont plein les bras. Écoute, les Rays, l'équipe qui va gagner. Qu'elle a fait reposer quelques joueurs, mais ils ne peuvent pas vraiment non plus. T'sais, pas, t'sais, tu peux, au baseball, tu ne te remets pas à on souvent. La switch à off, on, tu ne mets pas ça là, nécessairement. Là. Tu ne peux pas nécessairement faire reposer tout le monde. Et on en a souvent parlé, ça fait des années que tu m'accueilles dans ton podcast, parler de baseball, hein? Les équipes qui ont des grosses séquences au bon moment. On pense aux Cards de Saint-Louis, qui ont gagné 16 matchs en ligne. Et là, ils arrivent avec tout un momentum pour le match de meilleur deuxième contre une équipe qui sera probablement les Dodgers, écoute, qui va avoir 104-105 victoires et énormément de pression. Tu sais, vraiment favori, ils pourraient se faire surprendre dans un seul match. On ne sait jamais comment ça peut tourner. C'est un match, hein? C'est ça, c'est un match. Donc, mine de rien, la confiance du côté des Cards est au rendez-vous. Puis dans le cas des Rays, il ne faut pas oublier aussi que les Rays vont jouer. Ils ont la meilleure fiche d'Américaine. Donc, les Rays vont jouer contre le gagnant de toute cette course-là. Puis quand tu regardes l'ensemble des équipes, une des équipes qui joue bien par les temps qui courent, c'est les Yankees de New York. Donc, si tu regardes, c'était les Rays de Tampa Bay, puis tu as une chance de placer les Yankees dans une situation difficile, ben tu te donnes une chance parce que dans une série 3-5, récemment, des gars comme Aaron Judge, Giancarlo Stanton s'est mis à frapper dans les 2-3 dernières semaines. Dans une série 3-5, ça peut aller rapidement un ou deux bons départs d'un Garrett Cole, un gars comme Stanton qui poigne le feu, puis tout d'un coup, tu peux te ramasser éliminé assez vite du côté de Tampa Bay. Donc, je pense que c'est de lancer aussi un message. Si jamais, exemple, tu gagnes deux matchs sur trois à New York, même si les Yankees se qualifient au meilleur deuxième et se rendent jusqu'à toi, ben, tu leur as passé un message que ça ne sera pas facile rendu dans la série. Effectivement. Donc, ça va être à surveiller. Cet après-midi, c'est Alex Manoa. Demain, c'est pour le match pour les Blue Jays, c'est Bijan Ryu. Ryu, écoute, 6, je pense, j'ai montré ça à Sportsnet. C'est le pire lanceur des Blue Jays depuis la pause du match des étoiles. Pourtant, ça devrait être notre leader. Je pense que Montoyo, il n'y aura pas le choix. Il va commencer avec, puis il n'y aura pas le choix. Je pense que ce ne sera pas long. Ben oui, puis il s'est absenté quelques semaines, Ryu, puis il n'est pas revenu à son dernier départ. Moi, je trouvais qu'il y avait manque de vélocité, manque de précision sur ses lancers, puis c'est surtout qu'il s'échappe. T'sais, Ryu, c'est pas le gars qui va lancer du 97-98 000 $ puis qui va complètement dominer par sa puissance. Il faut qu'il soit capable de localiser ses tirs, et c'est ce qui lui a manqué, malheureusement, dans son dernier départ. Puis cette semaine aussi, dans le match, le dernier match de la série avec Robbie Ray au Monticule, écoute, Ray était en plein contrôle de ce match-là jusqu'à ce qu'il y ait eu une présence face à Anthony Rizzo où il a perdu sa concentration. Puis ça y arrive de temps en temps à Ray d'arriver au Monticule puis de perdre sa concentration. Donc ça a été 2-3 frappeurs, 2 circuits. Écoute, mais il a donné 5 points sur 4 coups sûrs, Dan. Je parlais à Roger, puis il avait raison. Roger, il dit, garde, il dit, Montoyo, il aurait dû sortir après son deuxième circuit. Ben écoute, En même temps, oui, mais en même temps, il y a la relève derrière ça. Qui est mauvaise. Mais en même temps, tu veux l'épargner un petit peu parce que tu étais quand même dans la course jusqu'à la dernière journée. Fait que, c'est ton ascenseur. Exactement. Puis tu posais une bonne question cette semaine, Dan, par rapport à qu'est-ce qui va arriver avec Ray. Est-ce que c'est le dernier départ de Robbie Ray avec les Blue Jays? Écoute, c'est une bonne question. J'ai retourné un peu dans moi, ma tête. Moi, je vais te dire que je n'aurais pas 30 millions à Robert. Puis je l'aime. Tu sais, comment l'année passée, je disais ça va passer à lui. C'est un bon lanceur, mais ce n'est pas un Cy Young. Il va probablement gagner le Cy Young, mais ce n'est pas un Cy Young. Est-ce que t'es mieux d'investir, parce que ça va coûter cher les Blue Jays l'année prochaine, et est-ce que c'est mieux d'investir sur bâtir une relève? Parce que plusieurs matchs, les Blue Jays ont perdu à cause de la relève. Là. C'est au moins 10 à 15 défaites. Facilement. Puis là, récemment, ça a été un petit peu mieux. Hein. Ça s'est stabilisé vers la fin avec Romano et tout ça. Mais pense, là, début juin, mi-juin, là, il y a eu, comme tu dis, plusieurs matchs. Avril-mai. Oui, avril-mai. C'est ça, mai ou début juin aussi. Là, plusieurs matchs, tu as raison, qui ont été perdus. Fait qu'il va falloir que tu bâtisses ta relève. En même temps, je me dis, écoute, la fenêtre est ouverte. Là. L'offensive, elle a marqué des points. Elle n'a plus fini. Ils ont fiché, je pense, sont presque plus 200 dans le différentiel de points. Donc, à un moment donné, si ta fenêtre est ouverte, est-ce que c'est là tu peux quand même t'améliorer partout? Est-ce que les propriétaires vont être prêts à sortir tout l'argent qui sera nécessaire? Est-ce qu'on est prêt à augmenter la masse salariale avec un gros, gros investissement, 60-70 millions de plus, parce que tu as une équipe qui peut gagner un ou deux championnats là, si tu l'entoures comme il faut? Quand tu regardes cette offensive-là, si on regarde le dernier mois à peu près, là, écoute, c'était de loin la meilleure offensive de l'américaine. C'est une offensive complète, manque peut-être un frappeur gaucher, mais mis à part ça, écoute, tu as 4 joueurs qui ont produit 100 points dans cette équipe-là. Là, donc, ça va être la même chose. Est-ce que tu te laisses aller un gars comme Simeon, tu as des options pour le remplacer, mais là, c'est des points de moins. Ray, c'est des bonnes manches de moins. Donc, si tu améliores juste ta relève puis tu laisses aller des gars comme ça, ben, tu vas perdre la production. Puis écoute, les Rays ne seront pas moins bons l'an prochain. Puis les Yankees non plus. Donc, c'est une division compétitive. Fait que ta question était bonne. Je pense que c'est le point d'ancrage de comment ils vont se décider. Est-ce qu'on améliore juste la relève? Est-ce qu'on donne un plus grand coup? Est-ce qu'on s'attend à ce que les jeunes progressent encore une autre petite coche de plus puis on est capable de laisser aller des vétérans? C'était une bonne question. Je regarde en 2015. Ça fait déjà 6 ans. Hein. Quand les Blue Jays, écoute, il y avait un buzz terrible au Canada, l'action Rogers avait monté de je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça. Oui. Ça veut dire investir, c'est payant. Là. Puis c'est ça qu'il faut revenir, pour ramener ça aussi. Là. Oui, puis tu étais à un moment où, du côté de Toronto, tu sais, oui, les Maple Leafs font un bon club, puis les Raptors. Le buzz a diminué un petit peu avec l'équipe qui a perdu un petit peu de son lustre. Qui est en reconstruction. Donc, tu as un peu le marché qui est là, puis les gens vont venir. Tu sais, la pandémie, elle va finir à un moment donné. On le voit, là, les équipes là, vont pouvoir remplir les stades. Donc, l'an prochain, c'est une équipe ultra compétitive, là, puis que les gens sont friands de sortir de chez eux. Dans l'été, tu peux peut-être t'attendre à retoucher là, le 2,5 millions, 3 millions de personnes là, qui franchissent les tourniquets. Fait que tu peux remplir tes coffres assez vite aussi avec ça. Donc, l'investissement peut en valoir la peine. Peut-être pas sur une longue période, par contre, parce que quand tu regardes, tu as déjà des gars comme Springer qui sont signés à long terme, mais tu as des gars qui vont s'en venir, là. Des gars comme Vladimir, des gars comme Bichette, il va falloir que tu les payes. Donc, exactement, tu ne peux pas te ramasser non plus à te remplir non plus de contrats à long terme qui vont devenir onéreux, qui fait que tu pourrais perdre des jeunes aussi. Donc, des décisions importantes, mais en même temps, quand, en tant que partisan de baseball au Canada, présentement, les Blue Jays, ils ont une belle équipe, une belle situation. Puis quand tu poses des questions comme ça, c'est parce que tu as un beau problème, Dan. C'est pas comme quand tu es, par exemple, tu regardes les Orioles en fin de semaine contre les Jays, je regardais leur réseau de filiales. Ils ont des bons jeunes joueurs qui poussent, plusieurs espoirs prometteurs. Mais écoute, les Orioles, ça fait à peu près 8-9 ans là, qu'ils n'ont pas été compétitifs. Donc, il y a vraiment pire comme situation. Ouais. Écoute, le projet de Montréal, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais te le dire, mais franchement, là, parce que c'est encore une histoire de garde partagée. C'est sûr que je le suis parce que je n'ai comme pas le choix. C'est quoi tu vois ça? Là? Comment tu vois ça? Hier, Roger Brulotte, sur Maison, Roger a des contacts en masse, disait que et le groupe de Montréal hier qui a comme tempéré ça en disant qu'il ne s'attend pas à des annonces. Par contre, hein, ce matin, le Journal de Montréal revient avec une histoire que le projet du stade serait très avancé. Il y aurait déjà des documents signés. Comment tu vois ça, toi? C'est sûr qu'eux autres, ils ont pas été, le groupe de Bronfman, ils ont intérêt à calmer tout ce qui se passe pour ne pas s'attendre à des attentes. Oui, puis en fait, je te dirais, moi, j'ai bien aimé Jérémy Filosa cette semaine que j'ai écouté en entrevue là, au 98.5 à Montréal. Puis j'ai lu ton texte aussi, qui est quand même bien au fait, évidemment, du dossier depuis des années. Puis dans le fond, l'élément central pour moi dans l'analyse autour de ça, c'est justement ce que tu viens de dire, là. Toutes les fuites, pour moi, c'est pas très bon pour le groupe. C'est pour ça qu'on s'est rétracté. C'est pour ça que l'histoire de la bannière au champ extérieur pendant les séries à Tampa Bay, tu as vu, ça a fait une balloune, puis la balloune a été dégonflée. Je pense que c'est pas un bon timing pour arriver avec ça à l'approche des séries. Je suis pas sûr que le bureau du commissaire a apprécié quoi que ce soit de ce genre de discussion-là au moment que les séries approchent. Puis tu le vois des autres sports, hein, dès qu'il y a une question de relocalisation ou autre, tu n'entends pas parler de ça durant les séries, là. Donc, on ne veut pas, surtout pas mettre un ombrage au mois d'octobre avec des éléments de cette nature-là. Mais c'est un peu provoqué par le propriétaire. Quel manque de respect. Ça me dit en affaire, c'est bien beau vouloir t'en aller. Il y a quand même du monde qui suit les races. C'est un méchant manque de respect, là. Même si. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Ben écoute, moi, je me mettons. Oui, bien c'est ça, je suis d'accord avec toi là-dessus totalement. Il y a des partisans, puis il y a un marché télévisuel, hein, on oublie souvent, mais Tampa Bay, ils ont des bonnes cotes d'écoute à la télévision quand même dans le marché local aux États-Unis. Donc, il y a du monde qui suit quand même les activités des Rays. Moi, ce que je trouve là-dedans, ben, un, tu as raison sur le manque de respect, tu as totalement raison. Par contre, je pense qu'il a peut-être tenté de mettre un électrochoc dans le dossier. T'sais, si le dossier tire en longueur, le bail il finit en 2027, t'es encore quand même à 5 ans de la fin. Ben, peut-être que tu essayes des choses pour un peu provoquer le marché, tout ça. Puis en même temps, je lis plein de gens à Québec, là, autant les commentaires à la radio, tout ça que j'ai entendu. Les gens revoient un peu la situation de Québec. Est-ce que Montréal est en train d'être utilisé comme outil de négociation aux États-Unis, au même titre que Québec a été utilisé dans la Ligue nationale de hockey pendant plusieurs années. Donc, est-ce que c'est ça le scénario? Moi, je ne sais pas. L'élément que je trouve positif, c'est qu'il y a des plans, il y a de l'avancement, il y a des groupes sérieux qui sont en arrière de ça. Au-delà de ce que je viens de te dire, le reste, c'est de la pure spéculation en ce moment-ci, à mon avis. Oui, effectivement. Tu as-tu parlé d'autres choses? J'ai oublié, d'habitude, tu m'envoies toujours des sujets, là, tu ne me les as pas envoyés. Ben en fait, c'était peut-être le dernier point que je voulais t'amener. On en a parlé un peu tantôt, c'était les Cards de Saint-Louis. Les Cards et leur poussée. En fait, la course au meilleur deuxième qu'on observe présentement dans la Ligue américaine, on aurait pu en avoir une dans la nationale. Il y a quelques semaines, on avait les Cards, avant qu'ils connaissent leur poussée, là, il y avait les Cards dans la course avec les Padres, avec les Reds de Cincinnati. Il y a même les Phillies de Philadelphie qui se sont maintenus un peu là-dedans et qui ont chauffé un peu les Braves d'Atlanta. Donc, en fait, la séquence historique, là, c'est la plus longue séquence de victoire de l'histoire de l'équipe, là, pour les Cards de Saint-Louis, de 17 victoires, je pense. Cette séquence-là nous a privés de deux courses comme ça. Les Cards, je regardais les fiches hier, là, puis au début de la semaine, si les Cards avaient gagné ne serait-ce que la moitié de ces matchs-là, bon, on serait en pleine course également du côté de la Ligue nationale. Donc, c'est toute une séquence. Puis je regardais hier, je pense que Adam Wainwright a signé une prolongation de contrat d'un an, là, pour l'an prochain. Ce sera la dernière année annoncée l'an prochain de Yadier Molina. Donc, pour les partisans des Cards, là, c'est vraiment comme la fin d'une époque qui s'annonce, mais avec une présence en série surprenante. Puis je ne voudrais pas être l'équipe, soit les Giants ou les Dodgers, qui va accueillir les Cards en début de semaine dans un match de meilleur deuxième. Comme tu as dit tantôt, tout peut jouer sur un match. Puis les Cards jouent tellement du bon baseball par les temps qui courent. J'ai regardé plusieurs de leurs matchs. Coup sûr, on remporte un. Bonne organisation. Écoute, ils ont la meilleure défensive. Je pense que c'est le pourcentage en défensive, là, dans la nationale. Donc, tu sais, la base, là, les Cards, ils le font bien. Puis quand ils ont réussi à tout mettre ça en commun, tu sais, à la limite des transactions, on en avait parlé. Ils ont été chercher John Lester. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils vont chercher un gars comme Lester ou même un gars comme G.A. App? Puis finalement, quand tu regardes les dernières semaines, Lester a bien fait. App a bien fait, les jeunes autour ont bien lancé, puis en plus, on n'a pas eu Jake Flaherty de presque toute la saison du côté des Cards. Donc, c'est une organisation qui est bien roulée. On en parle à chaque année, puis cette année, quand tu le regardes, c'est pas l'équipe la plus flamboyante sur papier. Ils ont eu des blessés, il y a des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, mais en bout de ligne, ils sont encore là. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui disent que le baseball, il y a moins de parité, mais en même temps, il faut que tu rendes crédit ou ce que le crédit est à rendre aussi, là. Cette équipe-là, c'est bien roulé, puis c'est pas acheté. C'est bien construit, c'est bien repêché. On prend les bonnes décisions. Les joueurs jouent la bonne base de baseball. Puis à bout de ligne, les résultats sont là. OK. Bon, nous, on s'en reparle probablement la semaine prochaine. Tiens, quelque part la semaine prochaine. Merci, Dan. Bonne fin de saison. Bruno Boudreau.